Chapitre 3 Expédition dans la colonie anglaise. L'intervalle qui sépare l'année 1687 et l'année 1689 fut occupé par plusieurs incidents où d'Iberville prit part, et il est probable qu'il était à la baie d'Hudson au mois d'août 1689, lorsqu'arrivèrent des événements considérables qui eurent des conséquences si graves sur les destinées du pays. Il y avait longtemps que les Anglais voyaient avec ombrage le voisinage des Français. Ils étaient inquiets de leur accroissement et de leur excursion dans l'Ouest. Les sauvages redoutaient les Anglais, et ils aimaient les Français. Ils étaient attirés vers ceux-ci par leurs mœurs agréables, leur goût chevaleresque, tandis qu'ils étaient repoussés par l'austérité et la sévérité des puritains anglais. L'on pouvait donc prévoir que grâce à cette sympathie, et grâce aussi aux travaux des missionnaires, les sauvages se laisseraient gagner, et que bientôt les vastes contrées du Mississippi passeraient sous la domination française. Les Anglais s'en inquiétaient, et la nouvelle de l'entreprise audacieuse de la baie d'Hudson mit le comble au ressentiment. Dans ces circonstances, les Anglais et les Hollandais, voyant toute influence leur échapper, se déterminèrent à irriter les Français contre les sauvages en excitant ceux-ci à l'acte le plus odieux vis-à-vis de la colonie de Montréal. Au premier jour d'août 1689, 1400 Iroquois traversèrent le lac Saint-Louis. Pendant la nuit du 5 août, à la faveur d'un orage et d'une pluie torrentielle, ils environnent le village de Lachine. Ils y mettent tout à feu et à sang, avec des détails de cruauté que l'on peut à peine rapporter. Le matin, ils avaient égorgé plus de 200 personnes, et ils en emmenaient autant en esclavage, les réservant aux plus affreux supplices. La colonie fut dans la consternation, et ne reprit quelque espoir que lorsque M. de Frontenac revint de France comme gouverneur général. Il succédait à M. de La Barre, à M. de Nonville, qui avaient rabaissé le prestige du nom français par leur faiblesse et leur défaut de décision. Le nouveau gouverneur, informé des derniers événements, se détermina à tirer une vengeance éclatante. Ayant acquis la certitude que les Anglais et les Hollandais étaient les instigateurs de l'expédition des Iroquois, il organisa contre eux 4 expéditions. L'une devait partir de Montréal avec M. d'Ailleboust et M. de Sainte-Hélène, l'autre de Trois-Rivières avec M. Hertel et son fils, le lieutenant Lafrenière, la troisième avec M. de Portneuf, fils du baron de Beucancourt de Québec, enfin la quatrième avec les sauvages Abénaki de la mission de Lorette, qui devaient aller rejoindre leurs compatriotes des rives de l'Atlantique. La première expédition partit de Montréal à la fin de janvier 1690. Les deux commandants, d'Ailleboust et de Sainte-Hélène, avaient avec eux des officiers capables, d'Iberville qui avait suggéré l'expédition et de Bienville son frère, messieurs de Montigny, Lebert du Chêne, le frère de mademoiselle Jeanne Lebert, et enfin monsieur de Repentigny. Ils avaient 210 hommes dont 90 sauvages, et ils devaient se rendre à Albany. Les ordres de M. de Frontenac étaient absolus. Il fallait faire comprendre aux Anglais qu'on était déterminé à en venir aux dernières extrémités. Mais de grandes difficultés survinrent. Le temps devint excessivement froid. Les chemins étaient affreux. Les hommes se trouvèrent accablés de fatigue. Sur les représentations des sauvages, on décida de ne pas aller plus loin que la petite ville de Schenectady. Et l'on arriva le 8 février au commencement de la nuit. Les habitants reposaient dans la sécurité la plus complète. Ils avaient laissé les portes ouvertes avec deux statues de neige en guise de sentinelles. Le village fut entouré, les habitations envahies, 60 habitants furent tués et 80 faits prisonniers. D'Iberville fit épargner le gouverneur, Alexandre Glenn, pour le récompenser d'avoir sauvé la vie à des prisonniers français en différentes circonstances. Un seul Français fut tué, et M. de Montigny blessé. Puis les Français s'étant reposés, jugèrent à propos de revenir sur leurs pas. Le second détachement, conduit par Hertel, quitta Trois-Rivières le 28 janvier. Il comptait 24 Français et 25 sauvages. Après 2 mois de marche, il s'avança jusqu'à Salmond Falls, au centre de la colonie anglaise. Et après plusieurs engagements, il s'empara de cette station après avoir tué 140 ennemis. Il y eut du côté des Français plusieurs blessés et plusieurs tués, parmi lesquels le lieutenant Lafrenière. Le troisième détachement partit de Québec avec M. de Portneuf, s'avança jusqu'à la baie de Casco avec les Canadiens, les Acadiens les Abénakis. Il prit le fort Loyal et extermina la garnison. Enfin, les Abénakis, situés à Sillery, près de Québec, sous la direction des pères jésuites, allèrent se réunir à leurs compatriotes de l'Est, qui les attendaient, et tous ensemble se dirigèrent vers la place principale des provinces du Nord, Pemaquid. Cette place avait une grande importance. Elle possédait 20 pièces de canon et 500 hommes de garnison. Les Abénakis, après avoir rasé toutes les habitations qu'ils rencontrèrent sur leur passage, arrivèrent devant Pemaquid. Ils l'investirent, puis échangèrent quelques escarmouches, et enfin, ayant donné l'assaut, ils emportèrent la place après avoir tué 200 hommes, et réduit les autres à demander quartier. Toutes ces attaques couronnées de succès eurent un effet merveilleux. Elles ranimèrent le moral des colons, accablés par les massacres de la Chine. Elles abattirent la présomption des Anglais, qui virent que les Français, sans le nombre, étaient encore de redoutables adversaires. Enfin, le prestige du nom français fut tellement relevé auprès des sauvages que l'on put présumer que les Français auraient bientôt la prépondérance en Amérique. En effet, sur ces entrefaites, et vers la fin de juillet 1690, 800 sauvages de l'Ouest, ayant 110 canots chargés de 100 000 écus de pelleterie, se rendirent à Montréal pour voir le gouverneur. Ils arrivaient avec le désir de s'unir aux Français par des liens les plus intimes. Frontenac, avec cet esprit décisif et déterminé qui le caractérisait, saisit habilement l'occasion de conquérir l'esprit des sauvages. Il leur fit la plus aimable réception, rendue solennelle par la présence des troupes, et les sauvages purent contempler les plus belles démonstrations militaires. Monsieur de Frontenac écouta avec intérêt les harangues des sauvages. Le chef des Outaouais parla surtout des avantages que leur offrait le trafic avec les Anglais. Le chef des Hurons parla des engagements que les Français avaient déjà pris de combattre leurs ennemis, les Anglais et les Iroquois, et de les mettre hors d'état de nuire, engagement qui n'avait pas été tenu par M. de la Barre et M. de Noncourt. Ensuite, pour exciter les Français à se prononcer, ils entonnèrent leurs chants héroïques accompagnés de danses de guerre. Frontenac répondit aussitôt qu'il accorderait tout avantage possible de commerce aux sauvages et qu'il les assisterait de sa protection contre leurs ennemis. Enfin, il leur déclara qu'il allait se mettre en campagne et qu'il ne cesserait la lutte qu'après avoir obtenu que les Peaux-Rouges, qui étaient ses enfants comme les Blancs, seraient respectés. Après ces assurances, il termina son discours, comme les sauvages, par des démonstrations martiales. Il prit une hache, entonna un chant de guerre accompagné de sassaquès, de toute la force de ses poumons, et avec le cérémonial ordinaire, c'est-à-dire en dansant et en se frappant la bouche avec la main, pour donner plus de force à ses cris. Cette démonstration eut un effet indescriptible. Les sauvages trépignaient de joie, et Frontenac, voyant le bon effet de sa démonstration, y voulut mettre le comble. Il fit signe à ses officiers, qui prirent tous des casse-têtes et se mirent à danser et à chanter avec un entrain et une vigueur qui ravissaient les Indiens. L'on eût dit que les Français n'avaient jamais fait autre chose. Ils y mettaient cet emportement qui est particulier aux Français, la furia française, donnant le plus haut caractère à leur mise en scène. Ils semblaient, nous dit M. de la Poterie, comme dépossédés par les gestes et les contorsions extraordinaires qu'ils faisaient, tandis que leur voix forte et vigoureuse faisait valoir les cris et les hurlements guerriers. Les Indiens étaient ivres de joie en entendant ces voix puissantes et exercées, en voyant leurs danses si merveilleusement interprétées par ces nobles gentilshommes, qui réunissaient l'entrain à la force, la vivacité à l'élégance, et dont plusieurs avaient figuré dans les carrousels de Louis XIV. Un repas suivit à tout boire et tout manger. Les Indiens, nous dit encore la Poterie, y firent honneur avec une vraie frénésie, et ensuite ils prononcèrent leur serment d'allégeance.